Et oui, il m'arrive de n'avoir rien à dire, aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est pour cela que voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il vous fait croire qu'il ne parlera pas, alors que tous et chacun savent très bien qu'il ne peut s'empêcher de le faire. C'est de vous écouter dont il est incapable. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. Go.

Vendredi 24 octobre, 21h30, le café-bar Le Zénob présente une soirée festive avec Bartula. Rempli de musique du monde, teinté d'accent des Balkans, venez découvrir ou redécouvrir Igor Bartula et ses invités ce vendredi 24 octobre, 21h30, au Zénob. Tous les jeudis matin, deux brunettes très différentes vont essayer de s'entendre. Pour vous faire découvrir leur style de musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Deux filles, deux styles, une émission, les jeudis, 9h30. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de CFOU. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Fou de spectacle, spectacle, spectacle. C'est fou, 89 ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation, en ce 21 octobre de l'an des Disgrâces 2014. Avant-dernière émission pour le mois d'octobre. Avant de tomber dans le mois des morts, je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagne métalliquement, et ce jusqu'à 21h. Dans ce premier bloc d'ouverture, nous avons eu des formations qui donnent dans le style trash metal. Je crois que c'était assez évident. Juste à l'instant, avant cette pause publicitaire, Exodus, une pièce tirée du dernier album dernier album Blood In, Blood Out, album que j'ai fort apprécié. La pièce étant Body Harvest, on a presque eu une erreur sur le début de cette pièce, parce que ce soir, les lecteurs sont hantés. Ils sont maudits. Ils changent de plage tout seul, et en plus de ça, il tombe en dormance. Fait que, bon. Juste avant, nous avions une formation italienne qui porte le nom de Game Over. Formation que j'ai découvert il y a quelques temps. Mais en fait, quelques temps. Il y a peu de temps, devrais-je dire. Ils en sont à leur deuxième album studio complet qui porte le titre de Burst Into the Quiet. C'est paru sur l'étiquette Scarlet Records. Je dois dire que cette année, jusqu'à présent, Game Over fait partie des découvertes que j'ai appréciées dans le monde du trash metal. Vous le savez, j'en ai discuté tout seul, comme un paria, souvent, au niveau du trash. Le Rockmaster et moi, on avons eu même une discussion il y a peu de temps sur ce qu'on pensait de ce style de trash metal qui était très saturé, qui était très usé, surutilisé. Recopié, Game Over, ça réinvente pas la roue, évidemment, mais je trouve qu'il y a une certaine fraîcheur avec cet album Burst Into the Quiet, surtout au niveau du vocal. Je trouve que le vocal est assez original, compte tenu de tout ce qu'on peut entendre comme voix de trash metal, qui généralement sont assez similaires comme le reste de la musique, quoi. Death Angel, juste auparavant, et Left 4 Dead, pièce d'ouverture de cet album, très bon album de Dream, Calls for Blood, qui est paru sous étiquette Nuclear Blast en 2013. Overkill, dernière parution, Overkill, White Devil's Armory, la pièce étant Better Pill, c'est pas mon meilleur d'Overkill, mais je trouve que c'est un album fort respectable bleu. On a ouvert avec la première parution de cette formation qui porte le nom de Entombed Hades. Évidemment, vous vous en serez douté, j'en ai déjà parlé lors de la présentation. L'album Back to the Front, comment pourrais-je dire, c'est Entomb. Oui, c'est Entomb. Album qui est paru en août dernier, au début de août. Le 4 précisément. C'est... les trois quarts des membres d'Entomb, qui, à l'exception, bien entendu, d'un des guitaristes qui porte le nom de, je vais vous le dire à l'instant, Johan Jansson, qui a fait partie d'une multitude de formations que je ne connais pas vraiment tous, là. C'est Entomb qui, bien sûr, avec LG Petrov, ont décidé de sortir cet album qui n'était pas, selon Alex Connex, prêt pour le faire. C'était pas un bon album pour la sortir. Donc, ils ont décidé de le faire sur le nom de Entomb AD. Personnellement, je trouve que c'est vraiment du Entomb, bien entendu, mais ce n'est pas le meilleur d'Entomb. C'est pas mauvais, pas du tout. C'est très acceptable. Il y a de très bonnes pièces, mais ce n'est pas le meilleur d'Entomb. Mais bon, ça c'est discutable aussi, j'imagine. C'est tout dépendant de vos attentes musicales, j'imagine. Ce soir, on a une formation. Je déparle sans bon sens ce soir. Une programmation quasi régulière, mis à part le fait que, si vous avez écouté la diffusion tout à l'heure de Rock Classique, on a terminé l'émission avec la présentation que Rockmaster faisait au niveau de Revocation. Je l'avais annoncé vendredi dernier. Je vais en faire une mini-présentation moi aussi ce soir, c'est-à-dire deux pièces. Je vous reviendrai avec ça tout à l'heure. Évidemment pas les mêmes pièces qui étaient choisies à Rock Classique, bien entendu. J'ai dit programmation quasi régulière, mis à part cette présentation de Revocation, parce que pour le reste, j'ai juste inclus un petit bloc un peu plus doom qui va débuter dans quelques instants. Ben, en fait, qui comporte du doom, oui, qui comporte du doom psychédélique, qui comporte du sludge doom, si on veut, et du dark doom. Donc, c'est tout autour de cette bannière Doom, mais je me suis arrangé pour que vous endormiez pas trop. J'ai aussi une petite très courte chronique musicale cette semaine qui s'adresse bien sûr à Revocation. J'ai quelques trucs à vous parler au niveau du cinéma. Ce n'est pas la semaine la plus garnie en tant que telle, mais tout de même, je pourrais vous entretenir. Contrairement à ce que j'ai dit en début, dans la présentation d'émission, que je ne parlerai pas, c'est faux. Vous savez, je parle toujours. Faut jamais croire ce que le docteur dit. Surtout lorsqu'il vous prescrit quelque chose. Et à l'instant, je vous prescris de ne pas écouter ceci. Go. 30 et 31 octobre, Boréalis souligne l'Halloween. Voyez gratuitement la soirée de courts-métrages des petites vues spéciale horreur. Pour les 16 ans et plus seulement. Une présentation de l'Orne Gaulin Dentisterie. Pour information, visitez borealis3r.ca. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les Coups des Franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine. Tous les lundis, 13h. Chaque lundi soir, 19h, Frédéric Durand vous présente des figures marquantes et moins connues du rock psychédélique et artistique des années 60 à aujourd'hui. Des chroniques littéraires et cinématographiques viennent également agrémenter cette émission qui souhaite poser un regard critique sur les genres qu'elle aborde. Le voyage insolite, tous les lundis soirs, 19h. Toujours les vendredis soirs, retrouvez maintenant les bonnets rouges de 20h à 21h. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h. Sur les ondes de C'est Fou, le réseau Campus de Trois-Rivières. Fou de musique du monde. C'est Fou 89.1. Et vous êtes toujours à l'écoute du Undead Incorporated Show Réanimation avec moi-même, votre humble serviteur, le Dr. Payne Pendragon. Avant cette pause publicitaire, nous avons eu le droit à quatre pièces qui formaient un bloc sous la bannière du Doom. En fin de bloc, nous avons eu Trypticon, une pièce tirée du deuxième album de cette formation qui est... instigé par nul autre que Thomas Gabriel Fisher, alias Tom Warrior, ex-Celtic Frost, entre autres, et la pièce Tree of Suffocating Souls, qui est la pièce d'ouverture de Melana Kasmata, qui est parue en 2014, cette année, bien entendu, sous Century Media. J'ai aimé beaucoup la première, le premier opus de Trypticon. Il y a déjà, je crois, c'est 11, 12, je ne suis pas certain, je vais devoir vérifier. Et ce deuxième est, selon moi, tout aussi satisfaisant. Bloody Hammers, juste avant, avec Spare Finger. Spare Finger, qu'on le retrouve sur Under Satan's Sons, qui est la dernière parution de cette formation. Qui possède à son actif trois albums complets studio, formation américaine, plus précisément, je crois que c'est de la Caroline du Nord, voilà. Album qui est paru la fin mai dernier, sous l'étiquette Napalm Records. Excessivement belle présentation graphique pour Bloody Hammers Under Satan Sound, qui rappelle énormément les films d'horreur des années 70, fin 70 plutôt. Par contre, musicalement, c'est pas vilain, mais c'est pas toujours ça. Par contre, cette pièce, Spare Finger, je trouve que c'est une des meilleures de l'album. Côté un peu plus, je dirais, Stoner Sludge qui vient avec le Doom, si on veut. On avait Acid Witch formation assez particulière, assez weird, je dois dire. J'ai l'impression que le mot acide, ils le connaissent bien. je crois. Une formation qui donne dans un Doom à forte tendance psychédélique. En fait, je dirais plutôt du psychédélique à tendance Doom. Ils ont quand même... C'est Sid Strauss qui m'avait fait découvrir ce groupe-là ici à Réanimation il y a un certain nombre d'années. Je trouve ça intéressant. Ça s'adresse pas à tout le monde, j'en conviens, mais je trouve que c'est assez intéressant. C'est tiré du Spooky Hippie qui est paru un peu plus tôt cette année, qui partage... avec un Onslaughter. En fait, il y a deux pièces de Acid Witch, dont celle qu'on a entendue d'ouverture de ce micro-album, Evil. Une autre pièce qu'il partage, comme je le disais, avec deux autres pièces de Onslaughter qui sont beaucoup plus death metal. C'est, sous l'étiquette Hells and Baggers. Et on a ouvert avec c'est un one-man band. Doom VS et la pièce White Coffins. C'est tiré de l'album Hearthless qui est paru aussi en 2014 sur Solitude Production. J'ai comme l'impression que c'est assez indépendant et que c'est sa propre production. J'ai trouvé ça quand même, j'en avais chroniqué à sa sortie. Je me rappelle pertinemment que j'avais dit que je trouvais ça correct, mais sans plus. J'ai réécouté et il y a des pièces qui sont fort intéressantes comme celle de White Coffins. Évidemment, faut être amateur un peu de doom metal. Faut être aussi dans le mood d'écouter du doom metal, ce qui était peut-être votre cas ce soir, mais ça, je m'en fous carrément. Voici musicalement. Je vous ai parlé que je vous présenterai la semaine dernière. Je vous ai dit que cette semaine, je vous présenterai l'album de Revocation. On avait fait une présentation avec le Rockmaster Rock Classic vendredi dernier. Et je vais le faire aussi cette semaine avec deux autres pièces, évidemment. C'est un album, contrairement au Rockmaster, qui semble l'avoir bien apprécié, parce que je crois qu'il a donné une cote de 8.5 sur 10, qui est assez élevée. Moi, j'ai donné une cote seulement de 6. Bon, je suis pas un fan de Revocation. Ça, je l'ai dit assez ouvertement. Mais je considère que, généralement, ils font un travail intéressant. Moi, le gros point principal, c'est le vocal de David Davidson. J'ai beaucoup de misère avec son vocal. Il m'énerve à la longue. Je retrouve dans ce style de vocal des trucs que je n'aime pas, principalement les influences core. Je n'aime pas ça. Et musicalement, spécialement peut-être dans Deathless, il y a un petit côté européen du melodic death metal là, qui est très populaire en Europe, là, que je déteste profondément, qui m'agace aussi. Je trouve que c'est un peu redondant, quoique c'est assez bien fait par contre, je dois le dire. Mais c'est pas le genre de metal qui m'intéresse. Ils sont sous la bannière du death thrash metal. Le Rockmaster les a qualifiés de progressive metal. Oui, d'une certaine façon, oui, mais je crois qu'ils se rattachent beaucoup plus au thrash tendance death européenne. Ben, c'est mon opinion, là, c'est un point de vue. D'ailleurs, on va sûrement pouvoir en redébattre, lui et moi, à un certain moment donné, lorsqu'il en repassera, parce que moi, je pense pas en repasser jamais, honnêtement. Deathless, c'est un album qui est bien produit quand même, faut le dire. La présentation graphique est vraiment pas belle, là. Par contre, je trouve ça vraiment laid. Je trouve que l'album, pour moi, il y a rien qui a vraiment, qui m'a vraiment accroché. C'est comme ça. Je vous propose deux pièces qui sont les deux premières pièces, soit A Dead Home to the God. Ouais, c'est ça. Je vais recommencer. Je vais simplement recommencer. J'ai vraiment de la difficulté avec mon élocution. Élocution ce soir, je suis même pas capable de dire le mot élocution. A Dead Home to the Grave et la pièce titre Deathless. Bon, voici Revocation. Go! incroyable. C'est fou. 89.1. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les coups des franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine. Tous les lundis, 13h. Vendredi 24 octobre, 21h30, le café-bar Le Zénob présente une soirée festive avec Bartula. Rempli de musique du monde, teinté d'accent des Balkans, venez découvrir ou redécouvrir Igor Bartula et ses invités ce vendredi 24 octobre, 21h30, au Zénob. Voici les trois raisons pour écouter Les Précieuses Ridicules. L'humour déjanté de Marie-Christine Perra, les informations pertinentes de Myriam Lortie et les judicieux conseils d'Alexandrine Pichessire. Mais surtout, pour se tenir au fait de l'actualité culturelle trifluvienne, pour avoir un divertissement incontesté, des invités déjantés ainsi qu'une radio-théâtre de qualité. Ne manquez pas Les Précieuses Ridicules, les dimanches à 11h, sur les ondes de C'est Fou 89.1. Monsieur, franchement. Fou de musique, fou de chronique, fou de passion. Prends enfin le micro pour te faire entendre. Votre radio C'est Fou est toujours à la recherche d'animateurs passionnés ou de chroniqueurs intéressés, intéressants. Donne-toi la chance de vivre une expérience radiophonique enrichissante et joins-toi à l'équipe de C'est Fou. Pour plus d'informations, prog C'est Fou à commercial.uqta.ca ou visite le c'estfou.ca. C'est fou, 89 ans. h 30. Et encore pour 30 minutes, vous êtes à l'écoute de Réanimation. Avec ma charmante compagnie. En ma charmante compagnie. Avant cette pause publicitaire, nous avons eu deux pièces, les deux premières pièces de ce nouvel album de Revocation, album Deathless, qui est paru mardi dernier, soit le 14 octobre. D'ailleurs, je viens d'avoir un appel du Rockmaster pour dire que j'étais complètement dans les patates. Non, c'est pas vrai. J'ai eu un appel du Rockmaster parce que effectivement, je suis en désaccord avec lui, mais c'est la beauté de la chose, parce que la musique, il y en a pour tous. Mais surtout, pour les autres, jamais pour moi. Non, c'est faux. Bon, comme je le disais, c'est leur cinquième album studio complet, Revocation. C'est une formation pour laquelle je suis prêt à reconnaître que, le comme je le disais tout à l'heure, que c'est bien fait ce qu'ils font. C'est pas cheap, mais ça ne colle pas avec le genre de métal que j'aime pour les aspects que j'ai sous-mentionné tout à l'heure, le petit côté européen qui me tombe un peu sur les nerfs, aux guitares principalement, le son, le type d'accord plaqué, le petit côté core des fois que je perçois, c'est peut-être parce que je cherche les bouts s'il n'y en a pas peut-être, mais il me vient à l'oreille et il m'agresse. Bref, probablement que plusieurs d'entre vous ont aimé cet album, qui est sous l'étiquette Metal Blades, qui est quand même pas rien, qui est un major dans le domaine. J'imagine qu'ils ont pas signé pour le plaisir de la chose, simplement parce que ça pouvait être rentable pour eux, surtout. Si vous voulez vous procurer cet album-là, ben vous faites une grossière erreur. Cette semaine, ce vendredi, à Rock Classic, le Rockmaster et moi, nous vous proposons entre autres deux albums classiques qui sont parus il y a, ma foi, des décennies, c'est-à-dire une quarantaine d'années, soit The Rolling Stone, It's Only Rock and Roll, But I Like It, et Led Zeppelin 2. Donc, c'est un rendez-vous pour les amateurs de vrai rock. Côté spectacle, maintenant, BCI, Brave Concert International, présente le samedi 18 octobre. Ça, c'est fini. C'était la semaine passée, ça. Lundi, le 27, pardon, excusez-moi. Oui, c'est le plus proche, c'est Arch Enemy, en compagnie de Creator, Huntress et Starkill. C'est à 19h au Métropolis. Les billets sont disponibles via Ticketmaster au coût de 30,43 et 34,78 plus taxes. Il y aura aussi le lundi 3 novembre au Fofounes Électriques, le Carnivals of Death, version 2014, qui mettra en vedette Cataclysm, Suffocation, Jungle Rock, Pyrexia et Internal Bleeding. C'est à 18h le lundi 3 novembre au Fofounes Électriques, au coût de 22 $ et 27 $ taxes incluses. Voilà. Musicalement parlant, je voulais faire... Il y a un petit truc que je voulais vous parler. Je vais en parler plus longuement la semaine prochaine. Il s'agit du deuxième album de la formation québécoise Beyond Creation, qui porte le nom de Heartborn Evolution, qui sera disponible le 24 octobre prochain. J'ai reçu ça en advance. J'ai fait une écoute très sommaire jusqu'à présent. On les avait vus l'an dernier. Ben, en fait, oui, c'est ça. La dernière édition du 3e Metal Fest, on les avait vus. C'est une formation qui met entre autres en vedette quelqu'un de très connu sur la scène métallique québécoise, c'est-à-dire Dominique Forrest-Lapointe, un bassiste virtuose, doit-on le dire. Et j'avais trouvé assez correct ce qu'il faisait. Donc, je me propose d'explorer cet album, ce nouvel album, Heartborn Evolution, plus approfondément. Ça se dit-tu, ça? Je sais-tu. Quelque chose du genre. Et puis, probablement, vous en entretenez la semaine prochaine. Parce que aussi, la semaine prochaine, il ne faut pas oublier que ce sera la parution du nouvel album Obituary, qui s'appelle Inked in Blood. J'ai bien hâte de l'entendre. Je sais pas s'il nous propose une belle surprise comme un nouvel album. Et en même temps, il sera la sortie du nouvel album At the Gates. Donc, ça aussi, je suis curieux de l'entendre. C'est une formation que, malgré le fait que je disais tout à l'heure que j'aime pas la sonorité européenne, At the Gates, je suis assez capable d'écouter ça. Il y a aussi un autre album qui est à venir, qui est le 24 octobre, c'est le nouvel album de Abysmal Down qui s'appelle Obsolence. Ça aussi, je suis fort curieux de l'écouter. Côté cinéma, bien en fait, la chronique va être relativement courte. Mais courte et peut-être intéressante aussi. Aujourd'hui, c'est une sortie américaine du film The Taking of Deborah Logan qui semblerait traiter encore une fois d'un fait supposément vécu et qui semble être encore une histoire de possession. Donc, le poster est assez évocateur d'ailleurs. Donc ça, c'est sorti aux États-Unis aujourd'hui. Je peux pas vous dire quand est-ce du côté canadien, encore moins du côté québécois, quels seront les dates de sortie et encore moins s'il sera présenté, mais bon, c'est à suivre. Qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté quand même pas énormément de choses, faute de temps, mais par contre, j'ai écouté un film d'action qui s'appelle The November Man, qui met en vedette Pierce Brosnan, que j'ai trouvé assez bon. Brosnan, qui a incarné James Bond de 95 à 2002, ne m'avait pas enchanté du tout. J'ai pas vraiment aimé les films avec Pierce. J'aimais pas vraiment le acting de Pierce non plus généralement, mais j'ai pris une chance avec ça parce que, bon, on s'entend, Pierce est rendu à 61 ans, donc il doit prendre ce qui lui fait juste plaisir maintenant. Et je trouve qu'il est comme le bon vin, chose que je n'aime pas, mais selon le dicton, le vin vieillissant s'améliore. Il prend du goût et je pense que Pierce Brosnan, vais-je le dire, et tout comme. C'est un film qui le met dans le rôle d'un ancien agent de la CIA qui est à retraite, qui est rappelé par son supérieur pour mener une protection d'une personne qui est témoin important de crimes contre l'humanité de la part d'un général bolchevique. Et il se rend compte que ses propres employeurs sont des pas gentils et qui eux-mêmes ont décidé de comploter contre lui. Donc au niveau du scénario, c'est pas excessivement original, mais c'est la façon dont c'est amené que c'est intéressant. Il y a beaucoup d'action et je dois dire que Pierce Brosnan dans ce rôle est très bon. Donc, The November Man, blablabla, ça n'a pas de bon sens ce soir, j'aurais dû faire intervenir quelqu'un d'autre que moi. The November Man, c'est un film auquel j'ai collé un 8 sur 10 et je le recommande. Autre chose, c'est une suite et je suis souvent et majoritairement très sur mes gardes avec les suites, surtout quand elles ne sont pas faites par le même scénariste et le même réalisateur. Il s'agit de American Nightmare Anarchy, mais qui porte aussi le nom de The Purge. Le premier avait été fort intéressant, un film nouveau genre qui raconte qu'une nuit par année sous un nouveau gouvernement américain, tous les comptes peuvent se régler de façon tout à fait légale, c'est-à-dire aller jusqu'au meurtre, les vols, les donner une volée à quelqu'un. En fait, régler ses comptes, c'est légal. Et selon le gouvernement en place, eh bien, ça a éliminé la criminalité durant tout le reste de l'année. À part cette journée-là, qui est, ma foi, pas très reposante. Ça met en scène des acteurs que je ne connaissais pas du tout. Qui est un film de James de Monaco que je ne connaissais pas du tout non plus, mais il est bien. Pour une suite, je dois dire qu'il est bien. C'est un thriller, c'est un film à aspect criminel, bien entendu, mais il y a une tendance un petit peu horreur qui vient quand même, je dirais, agrémenter les choses. C'est bien fait, c'est original dans le cadre de ce type de film. Et c'est fort distrayant. Donc, je lui ai donné un 7 sur 10, American Nightmare 2 Anarchy, mais qui porte aussi le nom de The Purge Anarchy, de Purge 2 Anarchy. Bref, c'est intéressant à voir si vous voulez vous divertir avec un film du genre plus ou moins reposant, ça fait le travail. Dans la chronique des films à revoir ou à découvrir, c'est un film qui est vraiment excellent, qui est de Gore Verbinski, qui porte le nom de The Ring, qui était l'adaptation américaine du film japonais Ringu. C'est un film de 2002, qui est un film d'horreur, bien entendu, qui parle principalement d'hantise et qui met en vedette l'excellente actrice Naomi Watts. C'est un film qui a vraiment révolutionné le film d'horreur lorsqu'il est paru en 2002. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il a marqué cette catégorie de cinéma. C'est très original, c'est très tordu. Non pas au niveau du gore, mais au niveau de la façon de jouer avec l'esprit du spectateur. C'est un film qui amène aussi un certain niveau de terreur qu'on ressent très rarement maintenant dans le cinéma d'horreur. Donc The Ring, c'est un film que vous pouvez vous procurer très facilement en Blu-ray, en DVD, que je recommande sans aucune hésitation. J'accorde toujours un 9 sur 10. Il y a eu des suites, il y en a eu deux, qui sont correct, mais qui n'équivalent pas du tout l'original. Et j'ai vu aussi, à l'époque, là, je m'étais procuré Ringu, l'original japonais, qui est, ma foi, différent. Peut-être plus japonais ont une tendance à être un peu plus tordu dans ce qui est le cinéma. En fait, je dirais même des fois très tordu au niveau du cinéma d'horreur. Et je pense que l'adaptation américaine de Gore Verbinski traduit mieux encore ce scénario que l'original, ce qui est généralement l'inverse. Mais bon, The Ring, c'est un film à voir absolument. On va tourner musicalement cette fois-ci. On va aller faire un petit tour, évidemment, du côté du death metal. D'ailleurs, est-ce que je pourrais passer à côté? Jamais. C'est le métal que je préfère. On va aller se taper tout de suite en début une pièce tirée du nouvel album de ces Américains du Maryland, soit Misery Index, dernier album qui porte le nom de Killing Gods, la pièce titre de Killing Gods. C'est un album qui a eu une belle réception au niveau des critiques métal et je les comprends parce que c'est un bon album. The Killing Gods, Misery Index, go!

Paranoid Incantation et la pièce From a Glacier Womb que l'on retrouve sur la dernière parution Dirge of Elysium qui est parue sur Listenable Records en 2014. Bien entendu, juste auparavant, en ouverture de bloc, c'était Misery Index et The Killing Gods, pièce titre de cet album paru en 2014, évidemment, sur Season of Mist. En fait, nous n'avions qu'un seul intrus ce soir au niveau de la programmation, c'était A Death Angel, qui était paru en 2013, parce que tous les autres étaient parus en 2014. La semaine prochaine, j'y serai, bien entendu, pour une autre édition de réanimation, dans laquelle je vous proposerai le dernier album de... je voulais dire, j'ai un tout plein de points de mémoire, mais c'était épouvantable, mais quelle horreur. Évidemment, Obituary, l'album Ink and Blood, nous devrions faire une incursion dans la dernière apparition de Beyond Creation. Cette semaine, ne manquez pas Rock Classic dès 11h en compagnie du Rockmaster et de moi-même. Nous aurons une multitude de choses fort intéressantes à vous proposer, à vous faire écouter et aussi à vous, de vous entretenir parce que il y a toujours des choses tout à fait pertinentes et intéressantes, surtout en ce qui me concerne, à vous raconter. On se laisse une dernière pièce qui est Narcotic Wasteland. Pièce qui est tirée de leur seul et unique album indépendant, soit l'album qui porte l'original titre de Narcotic Wasteland, qui bien sûr est en mettant vedette Dallas, l'instigateur de la formation et le maître à passer derrière la formation Nile, la pièce étant Keeping Up With The Jones. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, eh bien, allez tous vous faire foutre.